que où s'est dit en arc-en-ciel. On tire un soleil, c'est tout ça et plus encore. Dis-moi l'amour, c'est ça y qu'a mandé. Pour toute l'année que il était côté pour épauler. Et répondre par, et par, et par.